Chapitre 9e. J'ai dû t'aimer, je dois te fuir. Marcia resta dans son appartement tout le jour, pendant qu'Holroyd se rendait agréable à son père. L'idée que cet homme était l'hôte de son père, qu'il vivrait sous le même toit qu'elle pendant 24 heures, remplissait son esprit d'une indignation violente contre laquelle elle luttait en vain. Arthur Holroyd, cet homme dont la bassesse avait flétri l'existence d'un homme excellent, cet homme que Godfrey Pierpoint avait suivi à travers l'océan et traqué d'état en état, de ville en ville, et qui cependant était revenu sans une égratignure, et maintenant, après 15 ans, il vivait encore et se tenait à la tête droite devant ses compatriotes et osait s'introduire chez d'honnêtes gens. Et cet homme était venu à Scarsdale comme un ami de Madame Harding. Toutes les préventions de Marcia contre cette femme qu'elle avait essayé en vain de tolérer s'étaient augmentées par l'arrivée de Holroyd. Puis-je oublier ce que l'ami de Godfrey Pierpoint a dit de cet homme, que la plus légère association de son nom avec celui d'une femme était la perte de la réputation de celle-ci. Et cependant, Madame Harding est si intime avec lui qu'il est venu pour la visiter et qu'il reste ici comme son ami. Jusqu'à ce moment, Marcia avait eu l'intention de se tenir à l'écart, de rester passive, de ne pas se plaindre, et de laisser son père épouser cette femme si cela lui plaisait de le faire. Pourquoi mettrais-je des entraves à son bonheur, avait-elle pensé. Je suppose qu'il ne peut être heureux qu'à sa manière. Quelque étrange et dangereuse que cette manière puisse me sembler. Je chercherai seulement une autre demeure. Et comme la maison de mon père n'a jamais été beaucoup un foyer pour moi, je ne sentirai pas ce changement trop profondément. On ne peut supposer que des gens aussi clairvoyants que les domestiques de Sir Gaspard eussent pu être assez aveugles pour ne pas s'apercevoir de l'amour de leur maître. L'état du cœur de Sir Gaspard avait été librement discuté dans l'antichambre et quelques paris avaient été faits à l'écurie, dans la prévision que Madame Harding deviendrait Lady Denison, ou dans les patois de la race des Groom, que la coquette d'un certain âge sauterait le fossé. L'opinion générale des domestiques était que la veuve arriverait à son but. Cette idée, sous certains rapports, ne leur était pas tout à fait agréable, car les yeux d'un maître, quelque clairvoyant qu'ils soient, sont aveugles en comparaison de ceux d'une maîtresse. Madame Harding avait été prodigue dans ses gratifications envers les domestiques de Scarsdale, peut-être non sans quelque intention ultérieure. C'est une femme profonde, avait dit la principale femme de chambre de l'abbaye en empochant la gratification de la veuve. Il sait qu'il est bien d'être ami avec une femme telle que moi, car je pourrais raconter beaucoup de choses sur la beauté de son teint et sur les taches roses qu'elle laisse sur la serviette. Madame Browning avait soupiré tristement, en regardant la belle robe de soie que la belle visiteuse de Sir Gaspard lui avait rapportée de Londres. « C'est très généreux à elle, avait-elle murmuré, et tout à fait grande dame de faire son cadeau sous la forme d'une robe au lieu de le donner en argent. Mais l'abbaye ne sera plus l'abbaye, selon moi, si elle en devient la maîtresse. » Dorothée essaya de répéter à sa maîtresse quelques mots de ce qui se disait dans la chambre de la femme de charge, où Dorothée prenait le thé avec Madame Browning, le domestique particulier de Sir Gaspard, le sommelier et quelquefois, par invitation spéciale, la principale femme de chambre. « Papa est le meilleur juge pour se marier, si cela lui convient, » avait dit tranquillement Marcia. « Tu ne dois jamais oublier cela, Dorothée, lorsque tu parles de lui à ce sujet. » « Naturellement, je ne suis pas assez enfant pour penser que ses domestiques ne parlent pas de lui, et assez orgueilleuse pour leur disputer le droit de le faire, tant qu'ils parleront de lui avec l'affection et le respect que les domestiques doivent avoir pour un bon maître. Je sais qu'il n'y a rien d'arrêté entre papa et Madame Harding. Il l'admire beaucoup, mais il admirait d'autres personnes et rien n'a suivi son admiration. Cependant, il est possible qu'il lui demande de l'épouser. » Et je suis sûr qu'elle y consentira, mademoiselle Marcia, dit en soupirant l'impétueuse Dorothée. Dans ce cas, je quitterai Scarsdale et je prendrai ma maison à Brighton, à Bath, à Leamington ou à Cheltenham. Enfin, dans quelque paradis de vieille fille de cette espèce. Et tu viendras avec moi, Dorothée. Et si par hasard tu te maries, ton mari sera mon sommelier. Et je lui donnerai les plus beaux gages que jamais sommelier de vieille fille ait eu pour l'amour de ma petite favorite. Dorothée devint cramoisie en pensant à Gervaise Catherine et à l'impossibilité des projets de sa bonne maîtresse. C'eût peut-être été mieux, s'il eût été sommelier, pensa-t-elle tristement. Il n'aurait pas eu d'argent pour parier sur ses affreux chevaux, ou il ne s'en serait pas occupé peut-être, s'il avait eu assez d'argent sans parier. Je suis convaincu qu'il ne peut y avoir aucun plaisir à s'enquérir, comme lui et Henri-Adolphe le font, du poids et de l'âge des chevaux, des prix, de Lord Edenbrough et de Monsieur Cheerful. Dorothée apporta à 2 heures un petit lunch et à 5 du thé très fort. Martial n'avait pas d'appétit, et le petit mensonge qu'elle n'était pas assez bien pour dîner avec la famille fut confirmé par ce fait. Elle resta seule et lut toute la journée, beaucoup trop troublée pour supporter même la société de Dorothée pendant tout ce temps. Elle lut jusqu'à ce qu'elle eût mal à la tête et que ses yeux fussent fatigués et obscurcis. Elle éprouvait ce sentiment de fatigue et d'oppression produit par un long jour passé renfermé chez une personne qui est habituée à être beaucoup au grand air. Lorsque la première cloche du dîner sonna, et que Marcia sut que Madame Harding devait être absorbée par les mystères de sa toilette, elle quitta sa chambre et passa par un labyrinthe de couloirs pour se rendre à un escalier dérobé au pied duquel il y avait un couloir noir qui ouvrait sur son jardin particulier. Son cher et vieux jardin abrité par de hauts murs et presque oublié par tout le monde, excepté par elle et le jardinier qui le soignait. L'air frais du soir souffla sur elle lorsqu'elle sortit du sombre couloir, et le parfum des premières fleurs d'automne rendait l'air odorant. Elle n'était jamais rentrée dans ce jardin, depuis les premiers jours de son intimité avec Godfrey, sans penser à lui, et à ce jardin abandonné dans le comté de York, dont il lui avait parlé avec tant de regrets. Elle était familière avec son histoire maintenant, et pouvait évoquer cet autre jardin et les autres figures qui autrefois lui avaient donné vie et éclat. Elle voyait la jeune mère penchée sur son enfant vacillant, fière de ses premiers pas ambitieux. Elle voyait l'heureux et innocent foyer rustique, la douce existence arcadienne non gâtée par la richesse ni entravée par les devoirs de société. Et il y a si longtemps de cela, pensait-elle. Lorsque je songe aux années qui se sont écoulées depuis ce temps, il me semble que rien de ce qui s'est passé n'est réel. Cela me paraît un rêve qu'on m'aurait raconté. Puis elle pensait à ce que Pierrepoint était maintenant, un homme désolé, ruiné, ruiné plus complètement que l'homme qui a perdu toutes ses terres et ses richesses, car celui-là appelait reconquérir 2 fois dans sa vie, ruiné par la destruction de son intérieur, ce saint temple, qui, une fois détruit, peut si rarement se reconstruire. Elle pensait à lui et se demandait ce qu'il était devenu depuis ce moment solennel de leur âge, où le soleil avait brillé sur eux réunis pour la dernière fois et où il lui avait fait ses adieux. Il a salué ce soudain rayon de soleil comme un heureux présage, pensait-elle tristement, comme s'il pouvait y avoir quelque chose de bon pour nous deux sur cette terre. Quand un autre rayon de soleil brillera-t-il sur lui et sur moi réunis? Elle s'était avancée doucement sur le doux sentier sablé qui s'étendait entre 2 haies de buis fleuris, haies qu'on ne trouve que dans les jardins qui existent depuis plus d'un siècle. Elle s'était promenée la tête courbée par le désespoir. Mais à ce moment, elle releva soudainement, effrayée par un bruit de pas retentissant sur le gravier, et elle se trouva face à face avec Godfrey dans ce crépuscule d'automne. Quoique cela lui parût tout à fait extraordinaire, il n'y avait rien d'étonnant qu'il apparût devant elle au moment où son image occupait la principale place dans son esprit. Est-ce que l'image qui régnait toujours dans sa pensée ne devait pas la rendre inaccessible aux petites choses? Elle devint très pâle en le regardant, troublée d'une manière inexprimable, par la joie profonde que sa présence lui apportait. Le revoir, toucher encore sa main, entendre sa voix, et lui donner, pour obtenir ce privilège des années de sa vie inutile et monotone. « Je croyais que vous aviez quitté l'Angleterre, » dit-elle. C'était une remarque très ordinaire, mais les profonds sentiments se cachent généralement sous des phrases fort ordinaires. « J'ai quitté l'Angleterre et je suis revenu. Oh, mon adoré, j'avais besoin de vous voir encore une fois, pendant 5 minutes, seulement pour vous dire adieu. Nous avons été séparés si brusquement le lendemain de l'orage. J'étais à Saint-Pétersbourg il y a 8 jours. Je suis revenu des bords de la Neva pour vous dire adieu. » Il faut convenir que Cupidon, en compagnie de Plutus, est un dieu plus puissant que seul et livré à lui-même. Eros, sans argent comptant, est le divin enfant sous ses ailes. Mais Eros, lorsqu'il est millionnaire, a des ailes d'aigle aux épaules et tient la lampe d'Aladin dans sa main. Marcia fut assez faible pour être touchée jusqu'au cœur par la pensée que le voyageur fatigué était revenu de Russie pour passer 5 minutes en sa présence. C'était en vérité un amour tel qu'elle n'avait jamais espéré en obtenir un, et cependant, il aurait pu l'aimer tout aussi tendrement, et n'avoir pas eu le pouvoir de communiquer avec lui par un moyen plus romanesque que la poste. Un petit désappointement peut mener loin avec une femme. Un rude voyage fait à minuit à travers les neiges de la Russie peut produire quelquefois un plus puissant effet qu'une moitié d'existence de patient dévouement. Les derbies et les Saint-Légers de l'amour sont souvent gagnés par un hasard. Pendant quelques minutes, Marcia resta face à face avec l'homme qu'il aimait, l'homme qu'elle n'osait considérer comme son amant. Pendant quelques minutes, elle perdit son pouvoir sur elle-même, si douce était la conviction qu'elle lui était chère, si exquis était le bonheur qu'il éprouvait de sa présence, puis elle regarda avec un air de reproche sa figure triste et inquiète. « Je suis fâchée que vous soyez revenu, » dit-elle. « C'est bien mal à vous d'être revenu. J'étais fou et mauvais, ma bien-aimée. Laissez-moi m'enfoncer dans mon crime. J'ai voulu seulement vous revoir 5 minutes. Prenez votre montre, Marcia. Donnez-moi un quart d'heure. Et lorsque l'aiguille sera sur le quart, renvoyez-moi. Je me soumettrai à votre volonté, aussi docilement qu'un enfant. » Marcia ne regarda pas sa montre, mais elle était tout à fait décidée à congédier Pierre Poigne dans un quart d'heure, peut-être même à ne pas lui faire cette grâce. Elle pensa qu'il devait avoir quelque chose de particulier à lui dire, quelque communication qui pouvait en quelque sorte atténuer la folie de son voyage. Mais il marcha à côté d'elle en silence. Il semblait qu'être seulement près d'elle était une récompense pour toutes les fatigues de sa folle course à travers l'Europe civilisée. « Marcia, » dit Godfrey, « vous dépensez que je suis fou d'être revenu comme je l'ai fait. Vous aurez encore plus raison de conclure ainsi lorsque je vous aurai dit pourquoi je suis revenu. Croyez-vous au rêve, Marcia ? J'ai prémuni mon esprit contre toute foi en eux. Quoique, en me rappelant les visions de la nuit, j'étais souvent bien tenté de voir une signification prophétique se mêler à leur obscurité. Mais depuis que j'ai quitté l'abbaye, mon sommeil a toujours été hanté par votre image, au point que l'éveil me devint insupportable. Continuellement, toutes les nuits, je vous voyais, et au milieu de la folle confusion de mes rêves, votre seule image m'apparaissait distincte et toujours la même, toujours me faisant signe et toujours me suppliant de revenir. Hein, Marcia ? Je sais que cette image n'était qu'une ombre mensongère. Les démons de la superstition du Moyen-Âge prenait la belle forme de la bien-aimée d'un chevalier chrétien, quand il voulait l'amener à sa ruine, et son courage subissait une terrible épreuve, avant qu'il pût se décider à tirer sa pesante épée et à frapper de l'image chérie, sous laquelle l'infâme démon s'était caché. J'essayais de me rappeler cela à Marcia. J'essayais de me persuader que la vision de mes rêves n'avait nulle relation avec votre être réel. Pendant que je vous voyais pâle et en larmes, me suppliant avec vos bras étendus fantastiquement, vous étiez tranquille et heureuse peut-être, n'ayant qu'une seule prière sur les lèvres, celle qui demandait de m'oublier moi et ma folie. Non, Godfrey, je n'étais pas heureuse. J'étais tranquille peut-être, mais jamais heureuse. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son nom de baptême. Il se tourna vers elle tout à coup. Ses yeux s'étaient habitués à ce crépuscule d'automne. Il vit sa figure et sut combien profondément il avait été affecté en entendant prononcer ce nom. Personne ne m'a appelé par mon nom de baptême depuis que ma mère a jeté ses bras autour de mon cou en me disant adieu dans le jardin de Pierpoint, dit-il d'une voix basse. Je n'ai plus rien à vous dire, Marcia, maintenant que je vous ai avoué la folle cause de mon retour. Je m'en allais bien loin dans le nord, car j'ai envie d'aller explorer les steppes de la Russie et de suivre les traces de la civilisation moscovite jusqu'aux confins de la Chine. Il y a tout un nouveau monde pour moi là-bas. Et je ne reviendrai pas en Europe avant de connaître l'Asie centrale, aussi bien que je connais les bords du Niger et ceux du Nil. J'ai voyagé très lentement lorsque j'ai quitté l'Angleterre, après le triste jour où nous nous sommes séparés. Il me semblait si dur de m'éloigner de plus en plus de vous. Aussi je m'arrêtais ici, je flânais là, soupirant et rêvant le jour et la nuit, et à chaque étape de mon voyage livrant une nouvelle bataille avec le tentateur qui me portait à revenir près de vous, ne fût-ce que pour voir votre visage et toucher encore une fois votre main dans ma misérable vie. J'avais atteint Saint-Pétersbourg quand le courage me manqua. Un voyageur endurci comme moi, un voyage d'un bout de l'Europe à l'autre, était à peine digne de considération. Un jour que mes rêves de la nuit précédente avaient été plus frappants que d'habitude, je fus saisi d'une inquiétude fiévreuse. J'avais pris tous mes arrangements pour mon expédition en Asie, attendant dans une triste insouciance un temps favorable pour partir. Bientôt, je pensais utiliser ce fatigant intervalle, en prenant à la hâte mon vol jusqu'ici. Je suis revenu en secret, laissant mon domestique derrière moi et nul autre que vous et la vieille femme de l'ermitage ne connaîtront mon retour. Je suis arrivé de bonne heure ce matin, et j'ai attendu avec impatience la chute du jour, espérant que quelque hasard m'offrirait l'occasion de vous voir. Je savais que ce jardin était votre promenade favorite au crépuscule, et je m'étais mis en embuscade derrière ces ifs, une demi-heure avant d'entendre votre cher et familier pas et le froufrou de votre robe de soie. Pendant qu'il parlait, la pensée de la présence d'Arthur Holroyd à Scarsdale était apparue à Marcia. Jusqu'alors, elle avait oublié toute chose dans la surprise et l'agitation qui l'avaient saisie. Mais en ce moment, elle comprit tout le danger qu'il pouvait y avoir dans une rencontre entre Holroyd et l'homme qui l'avait outragé. Comment Godfrey, qui avait cherché le séducteur de sa femme d'un bout de l'Amérique à l'autre, se contenterait-il de le laisser partir sain et sauf, si la Providence les faisait se rencontrer? Une terreur glaciale s'emparait du cœur de Marcia. Oh Dieu, pensait-elle, s'ils allaient se trouver ensemble. Elle mit sa main sur son front pour essayer de calculer les chances pour ou contre une telle rencontre. Le visiteur de Madame Harding pouvait venir sur la terrasse à tout moment, et dans la tranquillité du soir, on pouvait entendre sa voix appeler le groom qui tenait son cheval ou faire ses derniers adieux. Les deux hommes pouvaient passer l'un devant l'autre en sûreté, sans se reconnaître dans les ténèbres. Mais la moindre appellation du nom du visiteur faite par les grooms ou les garçons d'écurie pouvait révéler son voisinage et amener quelques fatales rencontres. Les jours du duel sont passés, cela peut être, mais les hommes savent cependant toujours se tuer à l'occasion. Et il n'y a pas si longtemps qu'on a rapporté un corps d'un champ de combat du comté de Burke pour le poser roi des sanglants dans une chambre sombre de Barley Mow. Les cicérons de Windsor montrent le fourré vert où la victime est tombée et racontent combien les deux gentlemen descendirent tranquillement de leur voiture et traversèrent l'agréable prairie. La pratique du duel pourra-t-elle être complètement éteinte tant que les hommes auront des passions et ne pourront supporter sans impatience l'insulte et l'injure? S'ils se rencontrent, il y aura quelque malheur irréparable, pensait Marcia. Je n'ai pas oublié ce que Godfrey écrivait de son ennemi il y a à peine quelques mois. L'ancienne mesure n'a pas cessé de saigner. Oh mon Dieu! Tiens ces hommes éloignés l'un de l'autre, car je sais qu'il y aurait péril s'ils se rencontraient. La pause pendant laquelle Marcia pensa à toutes ces choses fut très courte. Godfrey marchait silencieusement à côté d'elle dans l'obscurité. Il lui semblait qu'il avait assez de bonheur d'être auprès d'elle. Elle se tourna vers lui tout à coup en mettant sa main sur son bras. « Partez, je vous en prie, » s'écria-t-elle. « Vous n'aviez pas le droit de revenir. J'ai évité de vous faire des reproches, car je ne regrette pas votre retour maintenant puisqu'il me donne l'occasion de vous demander une faveur. » « Une faveur, Marcia? Vous, me demandez quelque chose? Quoi? Vous pourriez donner à ma triste vie une espèce de charme? » « Vous avez parlé tout à l'heure d'entreprendre un terrible voyage au centre de l'Asie. Promettez-moi que vous abandonnerez cette idée. Je voudrais vous voir me demander tout autre chose. Oubliez-vous, Marcia, que désormais, je n'ai plus rien à faire au monde que de périlleux voyages et explorer des solitudes qui soient nouvelles pour moi. J'ai besoin de voir les forteresses de Chamil. J'ai besoin de fouler de nouveaux territoires. Rappelez-vous que j'ai voyagé pendant 15 ans. L'Abyssinie est une demeure aussi convenable pour moi qu'Oxford Street. Vous me renvoyez de Scarsdale, Marcia. Ne m'empêchez pas d'aller en Circassie ou voir les murailles de la Chine. Je serai malheureuse si je vous sens en danger, dit Marcia d'une voix basse. Elle sentait qu'elle n'avait nul droit de lui dire cela, mais en parlant à un homme à la veille de partir pour un long exil, c'est presque comme si l'on parlait à un homme sur son lit de mort. Je songe que si mon image a hanté vos rêves, c'est parce que jour et nuit, j'étais torturée par les craintes que j'éprouvais pour vous, ajouta-t-elle avec douceur. Vous vous êtes tourmentée pour moi, vous avez souffert pour l'amour de moi, oh, ma bien-aimée. Je vous promettrai tout au monde, plutôt que de causer votre malheur. Promettez-moi que vous ne quitterez pas l'Europe, je le promets. Oh, mille fois merci. Et maintenant, vous quitterez Scarsdale dès demain matin. Oui, Marcia, pour retourner à Saint-Pétersbourg, où je passerai l'hiver. Maintenant, adieu. Pardonnez à la folie qui m'a amené près de vous, et oubliez, si c'est possible, que vous m'avez vu. Adieu. Adieu. Que Dieu soit avec vous. La plus noble et la meilleure des femmes. » Il tenait ses deux mains dans les siennes et pencha sa tête respectueusement sur elle en disant ces mots. Puis il se retourna et la quitta, et elle entendit son pas ferme résonner sur les allées sablées, tandis que debout, elle écoutait dans l'obscurité. L'horloge des écuries sonna 7h30 comme elle attendait près des espaliers noueux. Lorsque les pas eurent tout à fait cessé de se faire entendre, elle prit le sentier menant à la grande porte en bois par laquelle Godfrey avait quitté le jardin. Elle ouvrit cette porte et resta sur le seuil, écoutant toujours. Le dernier rayon de lumière jaune qui annonçait le coucher du soleil avait disparu à l'ouest, et l'étoile du soir, belle et éclatante, brillait au-dessus des bois solennels. Cette nuit de septembre était calme et chaude. Mademoiselle Denison sortit de son jardin et prit la grande allée sablée qui menait aux marches de la terrasse. Elle monta ses marches et passa devant les croisées éclairées de la salle à manger, où les rideaux étaient rarement tirés par un temps chaud. Un regard qu'elle y jeta lui montra Holroyd assis à la table ronde en face du baronnet. Pour le moment, il n'y avait donc pas la moindre chance d'une rencontre entre Godfrey et son ennemi. « Dieu soit loué !» pensa Marcia. « S'il retourne tout droit à l'ermitage, nul mal ne sortira de son retour insensé. Dieu le préserve d'errer dans les bois cette nuit. » Elle leva les yeux vers le ciel pourpre, très calme et magnifique avec ses teintes foncées. Vénus avait invité ses frères et ses sœurs à paraître dans cette obscurité azurée, et la lumière d'un millier d'étoiles se répandait sur les feuilles et projetait une faible clarté argentée sur le gazon. Marcia était presque fâchée que la nuit fût si belle. C'était une nuit qui aurait charmé un promeneur solitaire, errant parmi les clairières des forêts et les fougères chargées de rosée. S'ils se rencontrent face à face dans la grande campagne ouverte, ils pourront se reconnaître l'un à l'autre à la clarté des étoiles, pensait Marcia, mais les bois qui entourent l'ermitage sont aussi noirs que le fond d'un tombeau. Elle entra dans la maison par l'une des portes vitrées du cabinet de son père et se rendit à l'escalier qui conduisait à son petit salon, pièce dans laquelle Godfrey avait contemplé son portrait plus d'une année auparavant. Une lampe avec un abat-jour avait été placée près de la pile de livres qu'elle avait laissée sur sa table. Mais elle ne se mit pas à sa place ordinaire, sous la lumière de la lampe. Elle s'assit à l'une des croisées et regarda les bois éloignés. Assise ainsi, elle pouvait entendre les voix des pièces au-dessous. Madame Harding et Holroyd vinrent peu après sur la terrasse, suivis du baronnet qui avait tendrement oublié les périls de l'air frais de la nuit. Mais la veuve n'était pas tout à fait aussi vive et aussi animée que d'habitude, et Marcella se demanda pourquoi elle était si calme. On amena le cheval de Holroyd au bas des escaliers de la terrasse, du côté est, environ à 8h30. Mademoiselle Denison le regarda monter à cheval, s'en aller, et regarder en arrière en agitant sa main blanche en l'air, tandis qu'il disparaissait au tournant du chemin. Regardant en bas les personnes qui étaient sur la terrasse, Marcia vit la veuve assise dans une attitude boudeuse et ayant ses bras croisés, posée sur la balustrade en pierre. Sir Gaspard lui parla deux fois avant qu'elle se décide à relever la tête pour lui répondre. « Il y a quelque malentendu entre papa et elle ?» se demanda Mademoiselle Denison. « Probablement ses yeux s'ouvriront, et il verra son véritable caractère avant qu'il se décide à lui faire quelque folle déclaration. » Mais l'imagination de Marcia ne resta pas longtemps occupée par l'enchanteresse de son père. À qui pouvait-elle penser cette nuit-là, si ce n'est à Godfrey? Un quart d'heure environ après que Holroyd eut disparu en agitant en l'air sa blanche et délicate main en signe d'adieu, un coup de feu résonna au loin dans la tranquillité du bois. « Dieu du ciel, que je suis folle !» pensa Marcia, après s'être arrêtée pâle et tremblante. « Ce bruit m'a glacé le cœur, quoique j'ai entendu 100 fois tirer des coups de fusil. Car ce bois est infesté par les braconniers qui se moquent des gardes, sachant très bien que papa ne les persécutera pas. Quelques pauvres airs, dont la femme et les enfants meurent de faim, auront tiré ce coup de fusil, je pense. » Mademoiselle Denison avait été habituée à entendre tirer des coups de feu tous ces derniers temps, presque tous les soirs. Coup de feu que Dorothée expliquait en disant « Ce sont les braconniers, avec votre permission, Mademoiselle Marcia. » Et mon père dit, par parenthèse, que si Sir Gaspard n'est pas plus sévère avec eux, ils ne laisseront pas un seul oiseau, car ils tirent sur vos jeunes oiseaux, Mademoiselle Marcia, et prennent au lacet vos jeunes lièvres et en détruisent effroyablement. Si je reste plus longtemps ici, assise paresseusement, pensa Marcia, mon imagination se remplira d'idées folles. Elle alla à la table où brûlait la lampe et ouvrit ses livres. C'est quelque chose pour une femme d'être un peu bas-bleue, quand l'heure du tourment a sonné pour elle. Une pacotille de livres nouveaux était arrivée de chez Dulot pendant la soirée, et Marcia avait feuilleté quelques volumes d'histoire ancienne et quelques biographies écrites de cette manière facile et légère avec laquelle les Français traitent les plus graves sujets. Elle essaya de concentrer son attention sur son livre et réussit au point de passer assez bien la soirée. Elle fut même étonnée, lorsqu'elle regarda la petite pendule qui était sur la cheminée, de voir que les aiguilles marquaient 11h30. Elle se mit à ranger ses livres et ses papiers, heureuse de trouver quelque chose qui pût occuper son temps et l'aider à raccourcir les heures d'une nuit sans sommeil, lorsqu'elle fut effrayée par un piétinement de pas, le bruit d'une demi-douzaine de sonnettes différentes et le son de plusieurs voix parlant toutes à la fois. Elle courut dans le corridor et lorsqu'elle fut sur le palier du grand escalier, elle rencontra Dorothée qui accourait vers elle, pâle et hors d'haleine. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé? Parle, enfant, parle !» s'écria-t-elle en saisissant le bras de la jeune fille. « Oh, Mademoiselle Marcia, ne vous effrayez pas, c'est très épouvantable. Mais il n'y arrivait aucun mal à votre papa ni à personne que vous connaissez, mais le gentleman qui était ici aujourd'hui a été trouvé sous le bois et on lui a tiré un coup de fusil. Et on l'a ramené ici, mademoiselle, mort ou mourant, et on est allé chercher des docteurs de tous les côtés. » Et Madame Brownlow est folle de frayeur. C'est presque comme le jour de l'épouvantable nuit, Mademoiselle Marcia, où la pauvre Mademoiselle Denison était mourante et pendant laquelle personne ne paraissait calme et capable de faire quelque chose tranquillement, excepté vous. Oui, murmura Marcia d'une voix faible, je me rappelle cette nuit, et que Dieu me donne assez de force, si je puis encore être utile, si quelque secours peut sauver ce malheureux homme. Où l'a-t-on porté, Dorothée ?»« Dans le cabinet, mademoiselle. » Sœur Gaspard a dit qu'on ne devait pas le remuer et lui faire faire un pas de plus qu'il n'était nécessaire. Tous les domestiques étaient rassemblés à la porte et je viens de jeter un coup d'œil sur le pauvre gentleman couché sur un sofa qu'on a apporté du salon. Il m'a paru aussi blanc et aussi immobile qu'un cadavre. Mais Sœur Gaspard nous a tous renvoyés et fermé la porte. Et chacun est allé se coucher, a dit Madame Brownlow, excepté Mary Carter et M. Hills et les domestiques qui sont allés chercher le docteur. M. Hills était le valet de chambre de Sœur Gaspard et un modèle de sobriété et de gravité. Il avait acquis tant d'expérience en soignant des malades qui n'avaient rien qu'il était presque aussi habile qu'un docteur. Pendant tout le reste de la nuit, Marcia veilla seule dans sa chambre pendant que Dorothée sommeillait paisiblement dans la petite chambre à côté. Toute cette malheureuse nuit, Marcia resta assise à la vieille croisée, prête à porter aide et assistance si on en avait besoin au-dessous, et priant du fond de son cœur pour Godfrey Pierpoint, dont la main, du moins elle le croyait, avait frappé l'homme qui était tombé.